de l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bienvenue sur Fadjet, de l'huile dans les rouages. C'est votre rendez-vous hebdomadaire avec Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Mais ça va très très bien. Donc on te retrouve, tu es facilitatrice relationnelle, comme on aime à le dire. Voilà, c'est moi qui ai inventé le nom de mon métier. Et ben voilà, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Alors aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler ? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner une astuce pour quand vous avez des conflits à l'intérieur de vous, que vous avez du mal à faire des choix, comment la communication non-violente peut vous aider à débloquer le truc. Et Noémie, on n'est pas tout seul en studio aujourd'hui, on est accompagnés, on a Emeline et Elio. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes en stage à Fadjet et ben vous allez peut-être participer à cette chronique. Oui. Vous découvrez Noémie et la communication non-violente. Alors Yves, oui, dis-moi moi tout. J'ai pensé à une situation... Je t'écoute. Est-ce que par exemple, des fois, ça pourrait être difficile pour toi de choisir d'aller ou pas au barbecue de fin d'année d'un club sportif Ça pourrait, oui, c'est possible, c'est vrai. Oui, ça peut. Et donc, l'idée, c'est quand j'ai du mal à faire ce choix-là, je suis en dilemme, de dire, je m'imagine dans la situation où j'y vais. Et qu'est-ce que ça remplit chez moi comme besoin ? Donc, je rappelle que les besoins, c'est des notions générales et génériques. Hein, c'est pas des stratégies. Donc, par exemple, on a le besoin de repos, besoin de connexion, besoin de s'alimenter, besoin d'estime de soi, etc. Et donc, ça peut accompagner notre choix au final. Oui. Donc, est-ce que tu as envie qu'on s'imagine que tu vas au barbecue sportif Décidons que je veux aller au barbecue sportif cette année. Alors, qu'est-ce que ça te fait si tu t'imagines dans cette situation ? Quel besoin chez toi serait rempli ? Eh bien, tu as parlé de connexion tout à l'heure. C'est l'occasion de rencontrer du monde, de se connecter à d'autres personnes. Ouais. Est-ce que, par exemple, ton besoin de nouveauté serait rempli ? Ah bah forcément, parce qu'on croise d'autres personnes, justement, voilà. Ouais, bien sûr. Je peux te proposer aussi comme besoin s'alimenter, tout simplement, puisque c'est barbecue. Ça, c'est un bon argument, je trouve, surtout en cette période. Comme c'est souvent à l'extérieur, il peut y avoir le besoin d'air qui est rempli, mm-hmm. le besoin de luminosité, de chaleur, si on aime la chaleur. Et de rigolade. Voilà. Le besoin de rire, c'est un besoin important chez l'être humain. Donc voilà, on a identifié 5 ou 6 besoins qui, si tu y vas... seront remplis. Maintenant, si on imagine la situation où tu choisis de ne pas y aller, tu remplis aussi des besoins chez toi. Ne pas faire quelque chose, c'est aussi remplir des besoins chez soi. Donc, par exemple, lesquels seraient remplis chez toi si tu choisis de ne pas y aller ? Eh ben, si c'est au bout d'une semaine de travail un peu fatigante, ça peut être tout simplement un peu de repos. D'avoir été au milieu de plein de monde, parfois s'isoler, se retrouver un peu besoin tranquille. Besoin de solitude, c'est OK. Peut-être le besoin de ressourcement. Parce que ça peut pomper un peu d'énergie. Des fois, ça dépend des gens ou des situations. Être avec les autres peut nous ressourcer, mais ça peut aussi nous vider. Donc, il peut y avoir le besoin de ressourcement qui sont remplis. J'essaye de te proposer, tu me dis si c'est OK ou pas, le besoin de calme. Ah oui, mais oui. Ah, c'est un besoin qui est important pour toi. Le calme, c'est important, oui. Voilà. Ouais. Donc, je ne sais pas si nos amis Elio et Emeline peuvent partager ça aussi. Non, complètement. Moi, le calme, même parfois la solitude, etc., ça rentre beaucoup en compte. Je suis un peu des deux, en fait, soit je peux avoir d'un coup avoir envie de voir des gens, soit d'un coup d'être seule, quoi. Des fois, il y a des moments où c'est ce besoin d'introspection. Oui, complètement. Et toi, Elio ? C'est ça, oui. Et puis dans le domaine du travail aussi, il y a des moments où on a des fois besoin de travailler avec des gens, peut-être pour s'épauler sur certains sujets. Et des fois, moi, je sais que j'ai besoin de solitude, des fois, pour être concentré à 100% sur ce que je fais. Ouais. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que c'est pas du tout incompatible. Le besoin d'isolement et le besoin de connexion, le même jour, on peut les avoir et à les prioriser différemment. Et en fait, ça, c'est intéressant parce qu'on a des besoins, on va dire, un petit peu phares. On a souvent 5-6 besoins clés qu'on a besoin tous les jours. Et il y en a d'autres qui vont varier en fonction de notre contexte de vie. Par exemple, si on prépare un examen, ou si on est en vacances, ou si, par exemple, j'ai un travail très tourné vers les autres, et ben pour compenser, je peux avoir un besoin d'isolement fort le week-end, ou inversement, si mon travail est très seul toute la semaine, je peux avoir mon besoin de connexion qui arrive très fort le week-end. Donc, nos besoins, ils bougent, en fait. Ils ne sont pas toujours dans la même hiérarchie, dans la journée, dans la semaine, et dans des périodes de vie, selon nos âges et ce qu'on est en train de traverser. Et donc, le mois de juin approche avec les barbecues de fin d'année, à ton avis, justement, j'ai l'impression que le besoin de calme, c'est quelque chose d'assez fort chez toi. Ah oui, parce qu'on arrive en fin d'année aussi, pour beaucoup, que ce soit même des lycéens ou voilà. Est-ce que tu sais, du coup, quelle hiérarchie ils ont, ces besoins, chez toi, et quel choix tu vas faire aujourd'hui ? Peut-être que dans 2 semaines, tu ferais un choix différent, mais là, avec les Oui, c'est vrai, parfois, les besoins évoluent très vite. Il y a un moment T dans la semaine, on va se dire, non, j'ai besoin de repos, puis arriver le jour J, on va se dire, maintenant, j'ai besoin de me connecter à d'autres personnes. Ouais, et c'est pour ça que des fois aussi, on se décide tard de si on va faire un truc ou pas, parce que c'est le temps de se connecter à, en fait... Je pensais que j'aurais l'énergie et que c'est OK d'être tournée vers les autres, mais finalement, là, ici, maintenant, avec les clés que j'ai en main, sachez que quand vous vous sentez comme ça, dans une sorte de tension intérieure pour faire des choix, se connecter aux besoins, c'est vraiment un truc clé. Et j'ai envie aussi de vous donner une deuxième clé pour les dilemmes intérieurs, c'est le corps. C'est-à-dire que si vous vous figurez dans cette situation-là, vous vous imaginez y être et que vous avez de la contraction à certains endroits du corps, ben c'est que une partie de vous sait que c'est pas OK en fait. Alors que s'il y a quelque chose qui se relâche ou qui se dynamise ou qui pétille, eh ben c'est que c'est OK et c'est que ça répond à des besoins forts pour vous. Donc voilà deux astuces pour vous aider à faire des choix. Merci beaucoup Noémie. Avec plaisir Yves. À bientôt. À bientôt. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.